Le meeting à la bougie des habitants de l'arrondissement de Songdo de la province du Gyeongsang du Nord de Corée du Sud contre la disposition de Saad, qui a débuté depuis le 13 juillet, continue chaque jour pendant plus de 50 jours devant la mairie de l'arrondissement. Le 31 août, 50e jour, le meeting a réuni de nombreux habitants de l'arrondissement avec ceux de Busan, de Changwon de la province du Gyeongsang du Sud et d'autres endroits. La lutte des habitants de Songdo se prolonge et devient active sous différentes formes. Meeting de résolution de 10 000 personnes, manifestation d'envergure avec coupe de cheveux, action protestataire à Séoul, lutte commune avec les habitants d'autres régions. L'action nationale contre la disposition de Saad déclare d'un temps fort continuer la lutte en septembre et en octobre aussi. Le Parti du Peuple, le Parti de la Justice et le Parti démocrate de Boulot aussi ont défini l'opposition à la disposition de Saad comme l'opinion de leur parti et montré l'attitude de s'opposer, ce qui angoisse les autorités.